c'est-à-dire un peu inférieure à celle de l'Irlande. Le capitaine Nemo et son second parurent à ce moment. Le capitaine jeta un coup d'œil sur la carte, puis se retournant vers moi. « L'île de Ceylan, dit-il, une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable, monsieur Aronnax, de visiter l'une de ces pêcheries ?»« Sans aucun doute, capitaine. » »« Bien, ce sera chose facile. Seulement, si nous voyons les pêcheries, nous ne verrons pas les pêcheurs. L'exploitation annuelle n'est pas encore commencée. N'importe. Je vais donner l'ordre de rallier le golfe de Manaar, où nous arriverons dans la nuit. » Le capitaine dit quelques mots à son second, qui sortit aussitôt. Bientôt, le Nautilus rentra dans son liquide élément, et le manomètre indiqua bientôt qu'il s'y tenait à une profondeur de 30 pieds. La carte sous les yeux, je cherchai alors ce golfe de Manaar. Je le trouvai, par le 9e parallèle, sur la côte nord-ouest de Ceylan. Il était formé par une ligne allongée de la petite île de Manaar. Pour l'atteindre, il fallait remonter tout le rivage occidental de Ceylan. « Monsieur le professeur, me dit alors le capitaine Nemo, on pêche des perles dans le golfe du Bengale, dans la mer des Indes, dans les mers de Chine et du Japon, dans les mers du sud de l'Amérique, au golfe de Panama, au golfe de Californie, mais c'est à Ceylan que cette pêche obtient les plus beaux résultats. Nous arrivons un peu tôt, sans doute. Les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars au golfe de Manaar. Et là, pendant 30 jours, leurs 300 bateaux se livrent à une lucrative exploitation des trésors de la mer. Chaque bateau est monté par 10 rameurs et par 10 pêcheurs. Ceux-ci, divisés en 2 groupes, plongent alternativement et descendent à une profondeur de 12 mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau. Ainsi, dis-je, c'est toujours ce moyen primitif qui est encore en usage? Toujours, bien que ces pêcheries appartiennent au peuple le plus industrieux du globe, aux Anglais, auxquels le traité d'Amiens les a cédés en 1802. Il me semble cependant que le scaphandre, tel que vous l'employez, rendrait de grands services dans une telle opération. Oui, car ces pauvres pêcheurs ne peuvent demeurer longtemps sous l'eau. L'anglais Perceval, dans son voyage à Ceylan, parle bien d'un cafre qui restait 5 minutes sans remonter à la surface. Mais le fait me paraît peu croyable. Je sais que quelques plongeurs vont jusqu'à 57 secondes, et de très habiles jusqu'à 87. Toutefois, ils sont rares, et revenus à bord, ces malheureux rendent par le nez et les oreilles de l'eau teintée de sang. Je crois que la moyenne de temps que les pêcheurs peuvent passer sous les flots est de 30 secondes, pendant lesquelles ils se hâtent d'entasser dans un petit filet toutes les huîtres perlières qu'ils arrachent. Mais généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux. Leur vue s'affaiblit, des ulcérations se déclarent à leurs yeux, des plaies se forment sur leur corps, et souvent même ils sont frappés d'apoplexie au fond de la mer. Oui, dis-je, c'est un triste métier, et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices de la mode. Mais dites-moi, capitaine, quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée? 40 à 50 000 environ. On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais, ayant fait pêcher pour son propre compte ses plongeurs dans 20 journées de travail, rapportèrent 76 millions d'huîtres. Au moins, demandai-je, ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués? À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent $1 par semaine. Le plus souvent, ils ont 1 sou par huître qui renferme une perle, et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas? 1 sou à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître, c'est odieux. Ainsi, monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, vos compagnons et vous, vous visiterez le banc de Manaar, et si par hasard quelques pêcheurs hâtifs s'y trouvent déjà, eh bien nous le verrons opérer. C'est convenu, capitaine. À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins? Des requins? M'écriai-je. Cette question me parut pour le moins très oiseuse. Eh bien, reprit le capitaine Nemo,

et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot « requin » du mot « requiem ». Le lendemain, à 4 heures du matin, je fus réveillé par le steward que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service. Je me levai rapidement, je m'habillai et je passai dans le salon. Le capitaine Nemo m'y attendait. « Monsieur Aronnax, me dit-il, êtes-vous prêt à partir ?»« Je suis prêt. Veuillez me suivre. » »« Et mes compagnons, capitaine ?»« Ils sont prévenus et nous attendent. » »« N'allons-nous pas revêtir nos scaphandres ? » demandai-je. « Pas encore, je n'ai pas laissé le Nautilus approcher de trop près cette côte, et nous sommes assez au large du banc de Manaar. Mais j'ai fait parer le canot, qui nous conduira au point précis de débarquement, et nous épargnera un assez long trajet. Il emporte nos appareils de plongeur, que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine. » Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central, dont les marches aboutissaient à la plateforme. Ned et Conseil se trouvaient là, enchantés de la partie de plaisir qui se préparait. 5 matelots du Nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord. La nuit était encore obscure. Des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles. Je portai mes yeux du côté de la terre, mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les 3/4 de l'horizon, du sud-ouest au nord-ouest. Le Nautilus, ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de Ceylan, se trouvait à l'ouest de la baie, ou plutôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Manaar. Là, sous les sombres eaux, s'étendait le banc de Pintadine, inépuisable champ de perles dont la longueur dépasse 20 000. Le capitaine Nemo, Conseil, Ned Land et moi nous prîmes place à l'arrière du canot. Le patron de l'embarcation se mit à la barre, ses 4 compagnons appuyèrent sur leurs avirons, la bosse fut larguée et nous débordâmes. Le canot se dirigea vers le sud. Ses nageurs ne se pressaient pas. J'observai que leurs coups d'aviron, vigoureusement engagés sous l'eau, ne se succédait que de 10 secondes en 10 secondes, suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre. Tandis que l'embarcation courait sur son air, les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots, comme des bavures de plomb fondu. Une petite houle, venue du large, imprimait au canot un léger roulis, et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant. Nous étions silencieux. À quoi songeait le capitaine Nemo? Peut-être à cette terre dont il s'approchait et qu'il trouvait trop près de lui, contrairement à l'opinion du Canadien, auquel il semblait encore trop éloigné. Quant à Conseil, il était là, en simple curieux. Vers 5h30, les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte. Assez plate dans l'est, elle se renflait un peu vers le sud. 5 000 la séparaient encore, et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses. Entre elle et nous, la mer était déserte. Pas un bateau, pas un plongeur. Solitude profonde sur ce lieu de rendez-vous des pêcheurs de perles. Ainsi que le capitaine Nemo me l'avait fait observer, nous arrivions un mois trop tôt dans ces parages. À 6 heures, le jour se fit subitement, avec une rapidité particulière aux régions tropicales, qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule. Les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelé sur l'horizon oriental, et l'astre radieux s'éleva rapidement. Je vis distinctement la terre, avec quelques arbres, çà et là. Le canot s'avança vers l'île de Manaar, qui s'arrondissait dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer. Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée et la chaîne courut à peine car le fond n'était pas à plus d'un mètre et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points du banc de Pintadine. Le canot évita aussitôt sous la poussée du jusant qui portait au large. « Nous voici arrivés, monsieur Aronnax, » dit alors le capitaine Nemo. « Vous voyez cette baie resserrée. C'est ici même que dans un mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants, et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller. Cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche. Elle est abritée des vents les plus forts, et la mer n'y est jamais très houleuse, circonstance favorable au travail des plongeurs. Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres, et nous commencerons notre promenade. Je ne répondis rien, et, tout en regardant ces flots suspects, aidé des matelots de l'embarcation, je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes deux compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion. Bientôt nous fûmes emprisonnés jusqu'au cou dans le vêtement de caoutchouc, et des bretelles fixèrent sur notre dos les appareils à air. Quant aux appareils Ruhmkorff, il n'en était pas question. Avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre, j'en fis l'observation au capitaine. Ces appareils nous seraient inutiles, me répondit le capitaine. Nous n'irons pas à de grandes profondeurs, et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche. D'ailleurs, il n'est pas prudent d'emporter sous ses eaux une lanterne électrique. Son éclat pourrait attirer inopinément quelques dangereux habitants de ces parages. Pendant que le capitaine Nemo prononçait ces paroles, je me retournai vers Conseil et Ned Land, mais ces deux amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique, et ils ne pouvaient ni entendre, ni répondre. Une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo. « Et nos armes ?» lui demandai-je. « Nos fusils ?»« Des fusils ? À quoi bon ? Vos montagnards n'attaquent-ils pas l'ours un poignard à la main ? Et l'acier n'est-il pas plus sûr que le plomb ? Voici une arme solide. Passez-la à votre ceinture, et partons. » Je regardai mes compagnons. Ils étaient armés comme nous, et de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus. Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre, et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité. Un instant après, les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres, et par un mètre et demi d'eau, nous prenions pied sur un sable uni. Le capitaine Nemo nous fit un signe de la main, nous le suivîmes, et par une pente douce, nous disparûmes sous les flots. Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent. Je redevins étonnamment calme. La facilité de mes mouvements accrut ma confiance, et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination. Le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante. Les moindres objets restaient perceptibles. Après 10 minutes de marche, nous étions par 5 mètres d'eau, et le terrain devenait à peu près plat. Sur nos pas, comme des compagnies de bécassines dans un marais, se levaient des volées de poissons curieux, du genre des monoptères, dont les sujets n'ont d'autres nageoires que celles de la queue. Je reconnus le javanais, véritable serpent long de 8 décimètres, au ventre livide, que l'on confondrait facilement avec le congre, sans les lignes d'or de ses flancs. Dans le genre des stromatées, dont le corps est très comprimé et ovale, j'observai des parus, aux couleurs éclatantes, portant comme une faux leur nageoire dorsale, poissons comestibles qui, séchés et marinés, forment un mets excellent connu sous le nom de carawadé, puis des tranquebars, appartenant au genre des apsiphoroïdes, dont le corps est recouvert d'une cuirasse écailleuse à 8 pans longitudinaux. Cependant, l'élévation progressive du soleil éclairait de plus en plus la masse des eaux. Le sol changeait peu à peu. Au sable fin succédait une véritable chaussée de rochers arrondis, revêtue d'un tapis de mollusques et de zoophytes. Parmi les échantillons de ces deux embranchements, je remarquai des placènes à valves minces et inégales, sorte d'ostracées particulières à la mer Rouge et à l'océan Indien, des lucines orangées à coquilles orbiculaires, des tarières subulées, quelques-unes de ces pourpres persiques qui fournissaient au Nautilus une teinture admirable, des rochers cornus, long de 11 centimètres, qui se dressaient sous les flots comme des mains prêtes à vous saisir, des turbinelles cornigères, toutes hérissées d'épines, des lingules hyantes, des anatines, coquillages comestibles qui alimentent les marchés de l'Hindoustan, des pélagies panopyres, légèrement lumineuses, et enfin d'admirables oculines flabelliformes, magnifiques éventails qui forment l'une des plus riches arborisations de ces mers. Au milieu de ces plantes vivantes et sous les berceaux d'hydrophytes, couraient de gauche légions d'articulés, particulièrement des ranimes dentés, dont la carapace représente un triangle un peu arrondi, des birgues spéciales à ces parages, des parthénopes horribles, dont l'aspect répugnait au regard. Un animal non moins hideux que je rencontrai plusieurs fois, ce fut le crabe énorme observé par M. Darwin, auquel la nature a donné l'instinct et la force nécessaires pour se nourrir de noix de coco. Il grimpe aux arbres du rivage, il fait tomber la noix qui se fend dans sa chute, et il l'ouvre avec ses puissantes pinces. Ici, sous les flots clairs, ce crabe courait avec une agilité sans pareille, tandis que des chélonées franches, de cette espèce qui fréquente les côtes du Malabar, se déplaçaient lentement entre les roches ébranlées. Vers 7 heures, nous arpentions enfin le banc des pintadines, sur lequel des huîtres perlières se reproduisent par millions. Ces mollusques précieux adhéraient au roc et y étaient fortement attachés par ce byssus de couleur brune qui ne leur permet pas de bouger, en quoi ces huîtres sont inférieures aux moules elles-mêmes, auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion. La pintadine Melaigrina, la mère perle, dont les valves sont à peu près égales, se présente sous la forme d'une coquille arrondie, aux épaisses parois très rugueuses à l'extérieur. Quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet. Elles appartenaient aux jeunes huîtres. Les autres, à surface rude et noire, vieilles de 10 ans et plus, mesuraient jusqu'à 15 centimètres de largeur. Le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pintadines, et je compris que cette mine était véritablement inépuisable, car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme. Ned Land, fidèle à cet instinct de destruction, se hâtait d'emplir des plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté. Mais nous ne pouvions nous arrêter, il fallait suivre le capitaine, qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul. Le sol remontait sensiblement, et parfois mon bras que j'élevais dépassait la surface de la mer. Puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement. Souvent nous tournions de hauts rocs effilés en pyramidion. Dans leurs sombres anfractuosités, de gros crustacés, pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre, nous regardaient de leurs yeux fixes, et sous nos pieds rampaient des myrianes, des glycères, des aricies et des amnélides qui allongeaient démesurément leurs antennes et leurs cires tentaculaires. À ce moment s'ouvrit devant nous une vaste grotte, creusée dans un gigantesque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes lisses de la flore sous-marine. D'abord, cette grotte me parut profondément obscure. Les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradations successives. Sa vague transparence n'était plus que la lumière noyée. Le capitaine Nemo y entra, nous après lui. Mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives. Je distinguai les retombées si capricieusement contournées de la voûte qui supportaient des piliers naturels, largement assis sur la base granitique, comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane. Pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine? J'allais le savoir avant peu. Après avoir descendu une pente assez raide, nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaire. Là, le capitaine Nemo s'arrêta, et de la main il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu. C'était une huître de dimension extraordinaire, un tridacne gigantesque, un bénitier qui eût contenu un lac d'eau sainte, une vasque dont la largeur dépassait 2 mètres et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus. Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Par son byssus, il adhérait à une table de granit, et là, il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte. J'estimais le poids de ce tridacne à 300 kg. Or, une telle huître contient 15 kg de chair, et il faudrait l'estomac d'un gargantua pour en absorber quelques douzaines. Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Ce n'était pas la première fois qu'il le visitait, et je pensais qu'en nous conduisant en cet endroit, il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle. Je me trompais. Le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater l'état actuel de ce tridacne. Les deux valves du mollusque étaient entrouvertes. Le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre, puis de la main il souleva la tunique membraneuse et frangée sur ses bords qui formait le manteau de l'animal. Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. Sa forme globuleuse, sa limpidité parfaite, son orient admirable en faisaient un bijou d'un inestimable prix. Emporté par la curiosité, j'étendais la main pour la saisir, pour la peser, pour la palper, mais le capitaine m'arrêta, fit un signe négatif, et retirant son poignard par un mouvement rapide, il laissa les deux valves se refermer subitement. Je compris alors quel était le dessein du capitaine Nemo. En laissant cette perle enfouie sous le manteau du tridacne, il lui permettait de s'accroître insensiblement. Avec chaque année, la sécrétion du mollusque y ajoutait de nouvelles couches concentriques. Seul le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature. Seul il l'élevait, pour ainsi dire, afin de le transporter un jour dans son précieux musée. Peut-être même, suivant l'exemple des Chinois et des Indiens, avait-il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelques morceaux de verre et de métal qui s'étaient peu à peu recouverts de la matière nacrée. En tout cas, comparant cette perle que je connaissais déjà à celle qui brillait dans la collection du capitaine, j'estimais sa valeur à 10 millions de francs au moins. Superbe curiosité naturelle, et non bijou de luxe, car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter. La visite à l'opulent tridacne était terminée. Le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc de Pintadine, au milieu de ces eaux claires que ne troublait pas encore le travail des plongeurs. Nous marchions isolément, en véritables flâneurs, chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie. Pour mon compte, je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagérés si ridiculement. Le haut fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer, et bientôt, par 1 mètre d'eau, ma tête dépassa le niveau océanique. Conseil me rejoignit, et collant sa grosse capsule à la mienne, il me fit des yeux un salut amical. Mais ce plateau élevé ne mesurait que quelques toises, et bientôt nous fûmes rentrés dans notre élément. Je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi. 10 minutes après, le capitaine Nemo s'arrêtait soudain. Je crus qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas. Non, d'un geste, il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large anfractuosité. Sa main se dirigea vers un point de la masse liquide, et je regardai attentivement. À 5 mètres de moi, une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol. L'inquiétante idée des requins traversa mon esprit. Mais je me trompais, et cette fois encore, nous n'avions pas affaire aux monstres de l'océan. C'était un homme vivant, un Indien, un noir, un pêcheur, un pauvre diable sans doute, qui venait glaner avant la récolte. J'apercevais les fonds de son canot mouillés à quelques pieds au-dessus de sa tête. Il plongeait et remontait successivement, une pierre taillée en pain de sucre et qu'il serrait du pied tandis qu'une corde le rattachait à son bateau lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer. C'était là tout son outillage. Arrivé au sol par 5 mètres de profondeur environ, il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pintadines ramassé au hasard. Puis il remontait, vidait son sac, ramenait sa pierre et recommençait son opération qui ne durait que 30 secondes. Je l'observais avec une attention profonde. Sa manœuvre se faisait régulièrement, et pendant une demi-heure, aucun danger ne parut le menacer. Je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante quand tout à coup, à un moment où l'Indien était agenouillé sur le sol, je lui vis faire un geste d'effroi, se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots. Je compris son épouvante. Une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur. C'était un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement, l'œil en feu, les mâchoires ouvertes. J'étais muet d'horreur, incapable de faire un mouvement. Le vorace animal d'un vigoureux coup de nageoir s'élança vers l'Indien qui se jeta de côté et évita la morsure du requin, mais non le battement de sa queue, car cette queue, le frappant à la poitrine, l'étendit sur le sol. Cette scène avait duré quelques secondes à peine. Le requin revint, et, se retournant sur le dos, il s'apprêtait à couper l'Indien en deux, quand je sentis le capitaine Nemo, posté près de moi, se lever subitement. Puis, son poignard à la main, il marcha droit au monstre, prêt à lutter corps à corps avec lui. Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale qu'il avait aperçu, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n'était pas dit. Un combat terrible s'engagea. Le requin avait rugi, pour ainsi dire. Le sang sortait à flots de sa blessure. La mer se teignait de rouge, et à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Plus rien jusqu'au moment où, dans une éclaircie, j'aperçus l'audacieux capitaine, cramponné à l'une des nageoires de l'animal, luttant corps à corps contre le monstre, labourant de coups de poignard le ventre de son ennemi, sans pouvoir toutefois porter le coup définitif, c'est-à-dire l'atteindre en plein cœur. Le squale se débattait, agitait la masse des eaux avec furie, et leur remous menaçait de me renverser. J'aurais voulu courir au secours du capitaine, mais, cloué par l'horreur, je ne pouvais remuer. Je regardais, l'œil hagard. Je voyais les phases de la lutte se modifier. Le capitaine tomba sur le sol, renversé par la masse énorme qui pesait sur lui. Puis les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine, et c'en était fait du capitaine si, son harpon à la main, Ned Land, se précipitant vers le requin, ne l'eût frappé de sa terrible pointe. Les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang. Ils s'agitèrent sous les mouvements du squale qui les battait avec une indescriptible fureur. Ned Land n'avait pas manqué son but. C'était le râle du monstre. Frappé au cœur, il se débattait dans des spasmes épouvantables dont le contre-coup renversa Conseil. Cependant, Ned Land avait dégagé le capitaine. Celui-ci, relevé sans blessure, alla droit à l'Indien, coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre, le prit dans ses bras, et d'un vigoureux coup de talon, il remonta à la surface de la mer. Nous le suivîmes tous trois, et en quelques instants, miraculeusement sauvés, nous atteignions l'embarcation du pêcheur. Le premier soin du capitaine Nemo fut de rappeler ce malheureux à la vie. Je ne savais s'il réussirait. Je l'espérais, car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue. Mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort. Heureusement, sous les vigoureuses frictions de Conseil et du capitaine, peu à peu le noyé revint au sentiment. Il ouvrit les yeux. Quelle dut être sa surprise, son épouvante même, à voir les quatre grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui. Et, surtout, que dut-il penser quand le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui eut mis dans la main. Cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre Indien de Ceylan fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante. Ses yeux effarés indiquaient, du reste, qu'il ne savait à quels êtres surhumains il devait à la fois la fortune et la vie. Sur un signe du capitaine, nous regagnâmes le banc de Pintadines, et suivant la route déjà parcourue, après une demi-heure de marche, nous rencontrions l'ancre qui rattachait au sol le canot du Nautilus. Une fois embarqué, chacun de nous, avec l'aide des matelots, se débarrassa de sa lourde carapace de cuivre. La première parole du capitaine Nemo fut pour le Canadien. « Merci, maître Land, » lui dit-il. « C'est une revanche, capitaine, » répondit Ned Land. « Je vous devais cela. » Un pâle sourire glissa sur les lèvres du capitaine. « Au Nautilus, » dit-il. L'embarcation vola sur les flots. Quelques minutes plus tard, nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait. À la couleur noire, marquant l'extrémité de ses nageoires, je reconnus le terrible mélanoptère de la mer des Indes, de l'espèce des requins proprement dit. Sa longueur dépassait 25 pieds. Sa bouche énorme occupait le tiers de son corps. C'était un adulte, ce qui se voyait aux 6 rangées de dents, disposées en triangle isocèle dans la mâchoire supérieure. Pendant que je considérais cette masse inerte, une douzaine de ces voraces mélanoptères apparurent tout d'un coup autour de l'embarcation, mais, sans se préoccuper de nous, ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux. À 8h30, nous étions de retour à bord du Nautilus. Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Manaar. 2 observations s'en dégageaient inévitablement. L'une portait sur l'audace sans pareil du capitaine Nemo, l'autre sur son dévouement pour un être humain, l'un des représentants de ces 2 races qu'il fuyait sous les mers. Quoi qu'il en dit, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Lorsque je fis cette observation, il me répondit d'un ton légèrement ému. « Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés. Et je suis encore, et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. » Chapitre 4. La mer Rouge. Pendant la journée du 29 janvier, l'île de Ceylan disparut sous l'horizon, et le Nautilus, avec une vitesse de 20 miles à l'heure, se glissa dans ce labyrinthe de canaux qui sépare les Maldives des Laquedives. Il rangea même l'île Kitan, terre d'origine madréporique, découverte par Vasco de Gama en 1499, est l'une des 19 principales îles de cet archipel des Laquedives, située entre 10 degrés et 14 degrés 30 de latitude nord et 69 degrés et 50 degrés 79 de longitude est. Nous avions fait alors 16 220 miles ou 7 500 lieues depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Le lendemain, 30 janvier, lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan, il n'avait plus aucune terre en vue. Il faisait route au nord-nord-ouest et se dirigeait vers cette mer d'Oman, creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne, qui sert de débouché au golfe Persique. C'était évidemment une impasse sans issue possible. Où nous conduisait donc le capitaine Nemo? Je n'aurais pu le dire. Ce qui ne satisfit pas le Canadien, qui, ce jour-là, me demanda où nous allions. « Nous allons, maître Land, où nous conduit la fantaisie du capitaine. »« Cette fantaisie, répondit le Canadien, ne peut nous mener loin. Le golfe Persique n'a pas d'issue, et si nous y entrons, nous ne tarderons pas à revenir sur nos pas. Eh bien, nous reviendrons, maître Land, et si après le golfe Persique, le Nautilus veut visiter la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb est toujours là pour lui livrer passage. « Je ne vous apprendrai pas, monsieur, répondit Ned Land, que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe, puisque l'isthme de Suez n'est pas encore percé, et, le fût-il, un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans ces canaux coupés d'écluses. Donc la mer Rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe. » Aussi n'ai-je pas dit que nous reviendrions en Europe. Que supposez-vous donc? Je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Égypte, le Nautilus descendra l'océan Indien, peut-être à travers le canal de Mozambique, peut-être au large des Mascareignes, de manière à gagner le cap de Bonne-Espérance. Et une fois au cap de Bonne-Espérance ? Demanda le Canadien, avec une insistance toute particulière. Eh bien, nous pénétrerons dans cet Atlantique que nous ne connaissons pas encore. Ah ça, ami Ned, vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers ? Vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines ? Pour mon compte, je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qu'il aura été donné à si peu d'hommes de faire. Mais savez-vous, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, que voilà bientôt 3 mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus ? Non, Ned, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, et je ne compte ni les jours ni les heures. Mais la conclusion ? La conclusion viendra en son temps. D'ailleurs, nous n'y pouvons rien, et nous discutons inutilement. Si vous veniez me dire, mon brave Ned, une chance d'évasion nous est offerte, je la discuterais avec vous. Mais tel n'est pas le cas. Et à vous parler franchement, je ne crois pas que le capitaine Nemo s'aventure jamais dans les mers européennes. Pendant 4 jours, jusqu'au 3 février, le Nautilus visita la mer d'Oman, sous diverses vitesses et à diverses profondeurs. Il semblait marcher au hasard, comme s'il eût hésité sur la route à suivre, mais il ne dépassa jamais le tropique du Cancer. En quittant cette mer, nous eûmes un instant connaissance de Mascate, la plus importante ville du pays d'Oman. Mais ce ne fut qu'une vision, et le Nautilus s'enfonça bientôt sous les flots de ces sombres parages. Puis il prolongea à une distance de 6 000 les côtes arabiques du Marah et de l'Adraman, et sa ligne ondulée de montagnes relevée de quelques ruines. Le 5 février, nous donnions enfin dans le golfe d'Aden, véritable entonnoir introduit dans ce goulet de Bab el Mandeb qui entonne les eaux indiennes dans la mer Rouge. Le 6 février, le Nautilus flottait en vue d'Aden, perché sur un promontoire qu'un isthme étroit réunit au continent. Je croyais bien que le capitaine Nemo, parvenu à ce point, allait revenir en arrière, mais je me trompais, et à ma grande surprise, il n'en fut rien. Le lendemain, 7 février, nous embouquions le détroit de Bab el Mandeb, dont le nom veut dire en langue arabe « la porte des larmes ». Sur 20 000 de large, il ne compte que 52 km de long, et pour le Nautilus, lancé à toute vitesse, le franchir fut l'affaire d'une heure à peine. Mais je ne vis rien, pas même cette île de Périm, dont le gouvernement britannique a fortifié la position d'Aden. Trop de steamers anglais ou français des lignes de Suez à Bombay, à Calcutta, à Melbourne, à Bourbon, à Maurice, sillonnait cet étroit passage pour que le Nautilus tentât de s'y montrer. Aussi se tint-il prudemment entre 2 eaux. Enfin, à midi, nous sillonnions les flots de la mer Rouge. Le 8 février, dès les premières heures du jour, Mocha nous apparut. Puis le Nautilus se rapprocha des rivages africains, où la profondeur de la mer est plus considérable. Là, entre 2 eaux d'une limpidité de cristal, par les panneaux ouverts, il nous permit de contempler d'admirables buissons de coraux éclatants et de vastes pans de rochers revêtus d'une splendide fourrure verte d'algues et de fucus. Quel indescriptible spectacle et quelle variété de sites et de paysages à l'arasement de ces écueils et de ces îlots volcaniques qui confinent à la côte libyenne. Mais où ces arborisations apparurent dans toute leur beauté, ce fut vers les rives orientales que le Nautilus ne tarda pas à rallier. Ce fut sur les côtes de Théama, car alors non seulement ces étalages de zoophytes fleurissaient au-dessous du niveau de la mer, mais ils formaient aussi des entrelacements pittoresques qui se déroulaient à 10 brasses au-dessus, ceux-ci plus capricieux, mais moins colorés que ceux-là, dont l'humide vitalité des eaux entretenait la fraîcheur. Le 9 février, le Nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer Rouge, qui est comprise entre Suakin, sur la côte ouest de Confoda, sur la côte est, sur un diamètre de 190 miles. Ce jour-là, à midi, après le point, le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais. Je me promis de ne point le laisser redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs. Il vint à moi dès qu'il m'aperçut, m'offrit gracieusement un cigare et me dit « Eh bien, monsieur le professeur, cette mer rouge vous plaît-elle ? Avez-vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre, ces poissons et ces zoophytes, ces parterres d'éponges et ces forêts de corail ? Avez-vous entrevu les villes jetées sur ses bords ?»« Oui, capitaine Nemo, répondis-je, et le Nautilus s'est merveilleusement prêté à toute cette étude. Ah, c'est un intelligent bateau !»« Oui, monsieur, intelligent, audacieux et invulnérable. Il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer Rouge, ni les courants, ni ses écueils. » »« En effet, dis-je, cette mer est citée entre les plus mauvaises, et, si je ne me trompe, au temps des anciens, sa renommée était détestable. » Détestable, monsieur Aronnax. Les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage, et Strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents éthésiens et de la saison des pluies. L'arabe Edressi, qui la dépeint sous le nom de golfe de Colzoum, raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ces bancs de sable et que personne ne se hasarderait à y naviguer la nuit. C'est, prétend-il, une mer sujette à d'affreux ouragans, semée d'îles inhospitalières, et qui n'offre rien de bon, ni dans ses profondeurs, ni à sa surface. On voit bien, répliquai-je, que ces historiens n'ont pas navigué à bord du Nautilus. Sans doute, répondit en souriant le capitaine, et sous ce rapport, les modernes ne sont pas plus avancés que les anciens. Il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur. Qui sait si, dans 100 ans, on verra un second Nautilus ? Les progrès sont lents, monsieur Aronnax. Certainement, répondis-je, votre navire avance d'un siècle, de plusieurs peut-être, sur son époque. Quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur. Le capitaine Nemo ne me répondit pas. Suivant moi, monsieur Aronnax, il faut voir dans cette appellation de mer rouge une traduction du mot hébreu Edrom. Et si les anciens lui donnèrent ce nom, ce fut à cause de la coloration particulière de ses eaux. Jusqu'ici, cependant, je n'ai vu que des flots limpides et sans aucune teinte particulière. Sans doute, mais en avançant vers le fond du golfe, vous remarquerez cette singulière apparence. Je me rappelle avoir vu la baie de Thor entièrement rouge, comme un lac de sang. Et cette couleur, vous l'attribuez à la présence d'une algue microscopique ? Oui, c'est une matière mucilagineuse, pourpre, produite par ces chétives plantules connues sous le nom de trichodesmi, et dont il faut 40 000 pour occuper l'espace d'un millimètre carré. Peut-être en rencontrerez-vous quand nous serons à Thor. Ainsi, capitaine Nemo, ce n'est pas la première fois que vous parcourez la mer Rouge à bord du Nautilus ? Non, monsieur. Alors je vous demanderai si vous avez reconnu sous les eaux les traces du fameux passage des Israélites et de la catastrophe des Égyptiens. Non, monsieur, et cela pour une excellente raison. Laquelle ? C'est que l'endroit même où Moïse a passé avec tout son peuple est tellement ensablé maintenant que les chameaux y peuvent à peine baigner leurs jambes. Vous comprenez que mon Nautilus n'aurait pas assez d'eau pour lui. Et cet endroit, demandai-je ? Cet endroit est situé un peu au-dessus de Suez, dans ce bras qui formait autrefois un profond estuaire, alors que la mer Rouge s'étendait jusqu'au lac Amer. Maintenant, que ce passage soit miraculeux ou non, les Israélites n'en ont pas moins passé par là pour gagner la terre promise, et l'armée de Pharaon a précisément péri en cet endroit. Je pense donc que des fouilles pratiquées au milieu de ces sables mettrait à découvert une grande quantité d'armes et d'instruments d'origine égyptienne. C'est évident, répondis-je, et il faut espérer, pour les archéologues, que ces fouilles se feront tôt ou tard, lorsque les villes nouvelles s'établiront sur cet isthme, après le percement du canal de Suez, un canal bien inutile pour un navire tel que le Nautilus. D'accord, mais utile au monde entier, dit le capitaine Nemo. Les anciens avaient bien compris cette utilité pour leurs affaires commerciales d'établir une communication entre la mer Rouge et la Méditerranée, mais ils ne songèrent point à creuser un canal direct, et ils prirent le Nil pour intermédiaire. Très probablement, le canal qui réunit le Nil à la mer Rouge fut commencé sous Sésostris, si l'on en croit la tradition. Ce qui est certain, c'est que 615 ans avant Jésus-Christ, Nécao entreprit les travaux d'un canal alimenté par les eaux du Nil à travers la plaine d'Égypte qui regarde l'Arabie. Ce canal se remontait en 4 jours, et sa largeur était telle que 2 trirèmes pouvaient y passer de front. Il fut continué par Darius, fils d'Istaspe, et probablement achevé par Ptolémée II. Strabon le vit employé à la navigation, mais la faiblesse de sa pente entre son point de départ près de Bubaste et la mer Rouge ne le rendait navigable que pendant quelques mois de l'année. Ce canal servit au commerce jusqu'au siècle des Antonins, abandonné, ensablé, puis rétabli par les ordres du calife Omar. Il fut définitivement comblé en 761 ou 762 par le calife Al-Mansour, qui voulut empêcher les vivres d'arriver à Mohammed ben Abdallah, révolté contre lui. Eh bien, capitaine, ce que les anciens n'avaient osé entreprendre, cette jonction entre les deux mers qui abrégera de 9000 kilomètres la route de Cadix aux Indes, monsieur de Lesseps l'a fait, et avant peu, il aura changé l'Afrique en une île immense. Oui, monsieur Aronnax, et vous avez le droit d'être fier de votre compatriote. Malheureusement, reprit-il, je ne puis vous conduire à travers ce canal de Suez, mais vous pourrez apercevoir les longues jetées de Port Saïd après-demain, quand nous serons dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée ? M'écriai-je. Oui, monsieur le professeur, cela vous étonne ? Ce qui m'étonne, c'est de penser que nous y serons après-demain. Mais à quel propos cette surprise ? À propos de l'effroyable vitesse que vous serez forcé d'imprimer au Nautilus, s'il doit se retrouver après-demain en pleine Méditerranée, ayant fait le tour de l'Afrique et doublé le cap de Bonne-Espérance. Et qui vous dit qu'il fera le tour de l'Afrique ? Qui vous parle de doubler le cap de Bonne-Espérance ? Cependant, à moins que le Nautilus ne navigue en terre ferme et qu'il ne passe par-dessus l'isthme, ou par-dessous, monsieur Aronnax ? Par-dessous ? Sans doute, répondit le capitaine Nemo. Depuis longtemps, la nature a fait sous cette langue de terre ce que les hommes font aujourd'hui à sa surface. Quoi ? Il existerait un passage ? Oui, un passage souterrain que j'ai nommé Arabian Tunnel. Il s'ouvre au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Péluse. Mais cet isthme n'est composé que de sable mouvant. Jusqu'à une certaine profondeur, mais à 50 mètres se rencontre une inébranlable assise de roc. Et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage, demandai-je de plus en plus surpris. Hasard et raisonnement, monsieur le professeur, et même raisonnement plus que hasard. Capitaine, je vous écoute, mais mon oreille résiste à ce qu'elle entend. Ah, ores habent et non audient, et de tous les temps. Non seulement ce passage existe, mais j'en ai profité plusieurs fois. Sans cela, je ne me serais pas aventuré aujourd'hui dans cette impasse de la mer Rouge. Est-il indiscret de vous demander comment vous avez découvert ce tunnel ? Monsieur, me répondit le capitaine, il ne peut y avoir rien de secret entre gens qui ne doivent plus se quitter. Je ne relevais pas l'insinuation et j'attendis le récit du capitaine Nemo. Monsieur le professeur, me dit-il, c'est un simple raisonnement de naturaliste qui m'a conduit à découvrir ce passage que je suis le seul à connaître. J'avais remarqué que dans la mer Rouge et dans la Méditerranée, il existait un certain nombre de poissons d'espèces absolument identiques, des ophidies, des fiatoles, des girelles, des persègues, des joëls, des exocètes. Assuré de ce fait, je me demandais s'il n'existait pas de communication entre les deux mers. Si elle existait, le courant souterrain devait forcément aller de la mer Rouge à la Méditerranée, par le seul effet de la différence des niveaux. Je pêchais donc un grand nombre de poissons aux environs de Suez. Je leur passais à la queue un anneau de cuivre, et je les rejetais à la mer. Quelques mois plus tard, sur les côtes de Syrie, je reprenais quelques échantillons de mes poissons ornés de leur anneau indicateur. La communication entre les deux mers m'était donc démontrée. Je la cherchais avec mon Nautilus, je la découvris, je m'y aventurai, et avant peu, monsieur le professeur, vous aussi, vous aurez franchi mon tunnel arabique.